France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 118. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 27 avril 2008, 11h04, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es le boss des gardes suisses. Tu es conciliant ou pontifiant, tu es abemus papam, tu es grosse bulle ou vieille mule, tu es pissette ou Ben 16, et tu es aussi... Vous savez que le pape, c'est merveilleux. Ça se vend très très bien. Très bien, le pape. Oui, très content du pape. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu portes la calotte, tu es le vicaire du Christ. Alors, après avoir célébré l'office dimanche dernier dans le gigantesque Yankee Stadium de New York, Benoît XVI nous a annoncé avant-hier qu'il réitérerait la messe plein air sur l'esplanade des Invalides à Paris le 13 septembre prochain. C'est pourquoi, afin de préparer au mieux la visite officielle du Saint-Père en France, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de t'offrir un petit aperçu de ce que peut être la plus haute fonction ecclésiastique. Et pour commencer notre balade sur les pas des papes, du baldaquin du Bernin au pieu du Vatican, nous allons évoquer ensemble comment l'évêque de Rome a su imposer son autorité sur l'ensemble de l'Église catholique. Ensuite, durant quelques minutes, de la Bavière au Saint-Siège, nous découvrirons le fabuleux destin de Joseph Ratzinger. Et dans la foulée, nous te dévoilerons les authentiques coulisses du conclave qui a permis au Panzer Cardinal de devenir le 265e pape de l'histoire. Et puis, il sera temps de te révéler en exclusivité les raisons secrètes de ce voyage apostolique de Benoît XVI aux États-Unis la semaine dernière. Et enfin, nous prendrons la direction de Grosboul-les-Bains où Monique et Jean-Claude ont joué cette semaine au Sacré Collège afin de consacrer un nouveau pape local entre mystique et émotion. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et arrête de papoter. Promotion of the single life of the damn fair building. Free and food. pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45. Brimful of Asha, c'est ce que chantent les Britanniques du groupe Corner Shop. Parce qu'en effet, dans les magasins du coin en ce moment, le pouvoir d'achat est un peu mal en point. Ouais, c'est du pognon. Ouais, c'est du pognon. Mais à partir du moment où c'est pas le mien, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Alors ce matin, la panique au Mangin Palace, sans doute pour rivaliser avec sa plus féroce concurrente, à savoir la Sainte Messe bien entendu, a décidé de consacrer toute une émission à l'évêque de Rome, mais aussi au vicaire du Christ, ainsi qu'au successeur du prince des apôtres, mais encore au souverain pontife de l'Église universelle, en évoquant en passant le patriarche de l'Occident et le primat d'Italie, sans oublier l'archevêque métropolite de la province romaine et le souverain de l'État de la cité du Vatican, et sans manquer de citer le serviteur des serviteurs de Dieu. Enfin ouais, bon, on va parler du pape quoi, le boss des cathos, dont le premier représentant fut un sacré pistonné. Eh bien moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Au premier temps de l'Église, l'évêque de Rome n'a aucune prééminence sur les autres évêques. D'ailleurs, au début du Moyen-Âge, partout dans la chrétienté, les fidèles affectueux donnent à leur évêque le gentil surnom de « papa ». Et oui, ce mec là-bas à Rome, il est bien sympa, mais il est loin. En revanche, l'évêque qui est juste là, présent dans le diocèse, même si parfois il n'est pas à fond dans le dogme, ben, on est malgré tout prêt à tout pour le défendre. Hey, chaguez pas mon papa, soyez sympa, soyez sympa. Charriez pas mon papa. Hey, le regardez pas comme ça, parce qu'il a bu un coup de trop, parce qu'il sait plus trouver ses mots. Ainsi donc, l'histoire de la papauté des origines, c'est l'histoire de la volonté de l'évêque de Rome de s'imposer sur tous les autres évêques et plus encore pour faire la nique aux autres patriarches. Eh oui, c'est moi le patron. Ouais, ouais, patron. N'oublie pas ce que je t'ai dit d'entrée de jeu. Les gars qui durent dans ce métier, ce sont les gars qui volent droit. Pas de vagues, tranquille. Et ceux qui veulent le grand chelem, les chicas, champagne et frimes, eux, ils dégagent. Alors voilà. En quelques siècles, le pape impose son autorité en Occident. Bon, pour l'Orient, ça foire, et le refus de l'autorité papale dans l'Empire byzantin conduit au grand schisme en 1054. Le pape est alors complètement affranchi de l'autorité de l'empereur byzantin. Mais qu'en est-il avec les autres souverains, notamment avec la France ? Eh bien, après la période tranquille, inaugurée par le baptême de Clovis et poursuivie par le sacre de Charlemagne ou la sainteté de Louis IX, ça commence à chauffer au XIVe siècle entre le souverain pontife Boniface VIII et le roi de France Philippe le Bel qui profite à fond des rivalités dans l'aristocratie romaine. A tel point qu'après l'attentat d'Anani dans sa face, le pape ne peut plus rester à Rome. Il choisit alors un exil très inconfortable. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes lisses, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs, puis du haut en bas des maisons qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal comme des abeilles autour de leur ruche. C'était encore le tic-tac des métiers à dentelle, le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de burette, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques des ourdisseuses. Par là-dessus, le bruit des cloches et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler là-bas du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Il faut qu'il danse. Sous le pont d'Avignon, évidemment. Ainsi donc, avec la papauté installée à Avignon, c'est l'occasion d'avoir un pape français. Un truc qui ne s'est jamais reproduit depuis, dis donc. Les relations entre la France et le pape se compliquent avec la volonté de plus en plus affirmée de l'Église de France de s'affranchir de l'autorité papale. C'est le gallicanisme dont le plus grand théoricien fut sans doute Bossuet, l'aigle de Meaux, toujours prêt à critiquer l'autorité du pape aux oreilles de Louis XIV. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les papes sont toujours partis par Meaux et par Vaux, toujours en voyage, toujours partout. Hein, ils devraient rester chez eux, c'est ça que je trouve. Vous restez chez vous. Vous n'êtes pas tout le temps parti par Meaux et par Vaux. Mais moi, je suis pas pape. Hein. Oui, d'accord. Je vous connais assez. Vous haranguez pas les foules tout le temps. Vous n'êtes pas en place Saint-Pierre à haranguer les foules. Bon, ben, dis chapeau. Mais moi, je suis pas pape. Hein. Oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas pape au mobile ou des trucs comme ça. Vous n'avez pas de pape au mobile. Est-ce que vous n'avez une pape au mobile? Vous n'avez pas de pape au mobile. Vous n'avez pas de pape au mobile. Ben, dis chapeau. Je dis chapeau. Quand vous m'avez dit bonne année, vous m'avez pas dit en 36 langues place Saint-Pierre. Bon, ben c'est ça, je dis chapeau. Dis au moins, c'est vrai, vous avez su rester. Moi, je suis pas pape. Hein. Eh bien. Et en plus, vous n'êtes pas pape. Oui, bon, l'Église catholique en France cherche à faire prévaloir l'idée que les décisions prises par les évêques français réunis en concile étaient plus fortes que celles du pape. Et la vraie question devient alors, qui est à la tête de l'Église en France? Bon, par chance pour les indécis, la Révolution française arrive à régler ces querelles de tête au sein de l'Église en faisant tomber quelques-unes. Et quand Bonaparte attrape le pouvoir, dans son souci de réconciliation, il signe très facilement en 1801 un concordat avec le pape Pie VII. C'est un petit pape, pape là, c'est un petit pape, pas ce pape là, un faux pape, un pape en carton, il a dit amen à Napoléon. Pape, pape, pape là, c'est un petit pape, c'est un petit pape, c'est un petit pape, c'est un petit, c'est un peu. Cependant, Pie VII l'a eu mauvaise, puisqu'il fut le prisonnier de Napoléon de 1809 à 1814. Pourtant, après la chute de l'Empire, les relations de l'Église de France et du pape se normalisent. Mais la véritable rupture a lieu à la fin du XIXe siècle, en 1870 exactement, quand le pape, qui ne doute de rien, impose le dogme de l'infaillibilité pontificale. En gros, depuis seulement un siècle, le pape a décidé qu'il a toujours raison. Et quand en 1905, la République vote la séparation des églises et de l'État, le pape reprend la main sur l'Église de France. Mais attention, hein, il est infaillible, et ce, quoi qu'en disent ses prêtres et ses évêques. Le pape ignore-t-il ce que nous faisons aux Juifs? Avec ses prêtres, ses paroisses, ses évêques, il dispose du meilleur service de renseignement au monde. Il est informé des persécutions faites aux catholiques. Qu'il s'informe auprès des catholiques persécutés du sort fait aux Juifs et aux Gitans. Les Gitans se déplacent sans cesse. On déplace beaucoup les Juifs aussi. Pourquoi le pape ne se demande-t-il pas où vont tous ces déportés? Monsieur Gerstein, ni le pape, ni mon père, qui lui est proche, n'ont beaucoup d'estime pour Monsieur Hitler. Mais ils reconnaissent qu'il a réussi ce qu'avant lui personne n'avait osé, personne. Vaincre le communisme, et cet homme qui n'a pas notre estime, est devenu un mythe. Votre mythe commet des actes de barbarie que seul le pape, le vicaire du Christ, peut condamner à la face du monde et dénoncer au peuple allemand. Ah ben ouais, hein. Quand tu es le chef des VRP de Dieu sur Terre et qu'en plus tu as toujours raison, ben t'as intérêt à la jouer fino, car si les responsabilités sont lourdes, les conséquences, elles, peuvent être monstrueuses. Surtout qu'un pape, par définition, c'est un conservateur. Et c'est là tout le génie de Jean-Paul II. Rester dans le fond un pape traditionnel, mais pour la forme, avoir l'air pop. Il est le pape du pop, il est le pape du pop. Que demande le pop, que demande le pop. Il est le pape du pop, il est le pape du pop. Il ne circule qu'en cyclopousse. Et peint toujours les yeux bandés. Il dîne à 4 heures sur le pouce d'une tartine de LSD. Les vitamines, ça donne bon. le pape. Que demande le pape? Il est le pape du pape. Il est le pape du pape. Il apprivoise les Ibelines dans son rancho de Carthagène. Il écoute Radio Caroline sur un gros poste à galène. Il est misogyne et pourtant il est polygame. Il trempe ses sandwichs dans du gin qu'il fait venir de Rotterdam. Le pop, que demande le pop? Il est le pape du pop. Il est le pape du pop. Le pape du pop, ce fut le curieux pontife béatifié par le bienheureux Stéphane Varègue en 1967, année d'ailleurs où furent entrepris quelques travaux au Vatican afin d'offrir au Saint-Père un palais restauré, le château neuf du pape, bien sûr. Radio Vatican vous parle, aimables auditeurs. Alors maintenant, le clocher apostolique du Mangin Palace nous indique qu'il est à présent 11h21 et après avoir revisité l'histoire de la plus haute fonction ecclésiastique, il est temps désormais, durant quelques minutes, de nous intéresser à la biographie du Panzer Cardinal, autrement dit, comment Benoît XVI est-il devenu pape? Oui mon ami, sais-tu qui est réellement Joseph Ratzinger? Né en Bavière le 16 avril 1927, le petit Ratzinger fut très tôt prédisposé au pontificat puisque ses parents répondaient au doux prénom de Joseph et Marie. Oui, on ne devient pas le vicaire du Christ par hasard. Adolescent durant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Ratzinger intègre les joyeuses jeunesses hitlériennes. Certains historiens justifient cet obscur passé en nous précisant qu'à l'époque, l'enrôlement chez les scouts nazis était obligatoire pour les jeunes Allemands. Autrement dit, le juvénile Ratzinger n'était pas spécialement un fan du Führer. Lorsque l'Allemagne nazie est vaincue, Joseph Ratzinger est interné dans un camp de prisonniers de guerre jusqu'au 19 juin 1945. Après sa libération, il retourne au séminaire Pépère afin de poursuivre des études de philosophie et de théologie à l'université de Munich. Il s'oriente alors vers la prêtrise, fortement influencé par l'ambition que son paternel avait envisagée pour lui. Je voulais que... Ils deviennent stars, mais pas stars... Vous voyez, star chic. Et j'avais pensé... Bon, ça va vous paraître bizarre, mais j'avais pensé pape. Si, parce que je me disais, c'est hyper star. C'est star, faut pas... Oh, mais attendez, on va pas chipoter, c'est star, quoi. Bon, alors, c'est star et en même temps, il y a un petit côté quand même chic, vous voyez. Alors moi, je pensais pape. Alors très jeune, je lui avais acheté une robe très collante en haut, vous voyez, avec très large en bas. Et je me disais, mon idée, c'était, je me disais, arrivé au concours de pape, il va avoir un petit truc en plus des autres. Les autres n'auront pas pensé à ça. Une espèce d'aisance comme ça, vous voyez, s'asseoir avec la robe. Et un petit truc en plus. De même, j'avais une voiture avec un toit ouvrant. Bon, moi, j'avais mis des fils de fer et puis avec des sacs d'engrais transparents. J'avais fait un truc. Je l'emmenais à l'école comme ça. Bon, bah. C'était une idée, quoi, que j'avais, vous voyez, de l'habituer à tout ça. Mais enfin, lui, ça n'allait pas du tout, hein. Il n'a pas parlé pendant 11 ans et tout. Bon. J'étais convoqué par le psychologue de l'école et puis il y a eu des gros problèmes. Il résistait. Cela dit, malgré les résistances de sa jeunesse, Joseph Ratzinger est finalement ordonné prêtre le 29 juin 1951. durant les 50s, il est nommé professeur du dogme fondamental et il devient alors l'un des plus jeunes et des plus populaires théologiens catholiques d'Allemagne sans jamais déconner avec la doctrine. Ah, on reste sérieux dans nos affaires. À l'époque déjà, avec Ratzinger, on ne transigeait pas avec le dogme. D'ailleurs, au cœur des 60s, il s'inquiète vivement de l'intérêt que plusieurs théologiens allemands portent au marxisme. Il exècre l'esprit de mai 68 et se déclare partisan d'une interprétation plus authentique de la foi. Ce zèle dogmatique tape dans l'œil du souverain pontife Paul VI et il offre l'opportunité à Joseph Ratzinger de devenir cardinal le 27 juin 1977. Et lorsqu'il débarque au Vatican, le pape place en lui beaucoup d'espoir. Au cours des années, j'ai vu très peu d'élèves aussi remarquablement doués que vous. Non seulement pour les études pures, j'ai observé la façon dont vous maniez les armes. J'ai même observé la façon dont vous me maniez moi-même. Si vous l'avez remarqué, c'est que je ne suis pas très habile. J'ai des dons d'observation exceptionnels. Sérieusement, j'attends beaucoup de vous. Vous avez une intelligence brillante, une manière d'affronter la vie qui est, disons, très romaine. Votre Excellence n'aurait pas pu choisir un mot plus flatteur pour moi. Très bien vu par sa hiérarchie, donc, dans les arcanes de la curie romaine, le cardinal Ratzinger est alors un intime de Karol Wojtyla. Ce dernier devient Jean-Paul II en 1978 et quelques mois plus tard, le nouveau Saint-Père nomme le Panzer Cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'Inquisition New Age, rien que ça. Du coup, durant les années 80 et 90, Ratzinger devient le Cerbère du catéchisme de Papa et il dispense allègrement ses recommandations à ceux qui lui demandent audience. Tu m'aurais annoncé une vierge estampillée, une rosière de compétition, je t'aurais dit Goubi, attention. Mais là, connaissant le sujet, je te dis mon fils, marie-toi. Découragé par la vie chère et dévalorisé par la pilule, la vertu et la fidélité ne se rencontrent plus que chez les transfuges du trottoir. Ces femmes-là n'ambitionnent plus qu'une seule position sociale, ayant épuisé toutes les autres. Marie-toi, tu ne seras jamais cocu. Oui, à force de potasser les textes, la vista de Ratzinger est impressionnante. Seulement voilà, comme il passe tout son temps à lutter contre la modernisation de l'Église catholique romaine, la vie du Panzer cardinal au Vatican s'agrémente malheureusement pour lui de frustrations douloureuses. Le cardinal Ratzinger a peu de temps à consacrer à ses passe-temps personnels. De plus, il refuse de s'en vanter, estimant que sa fonction le lui interdit. La musique tient une grande place dans sa vie, même s'il n'a pas poussé ce talent aussi loin que l'a fait son frère Georg. Oui, Joseph Ratzinger aurait pu devenir Richard Klederman. Mais son destin fut tout autre. Le 2 avril 2005, la rockstar Jean-Paul II s'éteint et en tant que doyen du Collège des cardinaux, Ratzinger a la responsabilité de diriger l'office religieux des funérailles du pape. Les rumeurs vont bon train et le Panzer cardinal appartient aux favoris pour devenir le 265e souverain pontife de l'histoire. Oui, sauf qu'un détail essentiel vient contrarier la candidature de Joseph Ratzinger. Un détail comme celui de la chaise Kerkorère dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaise? Ah bien, c'est la fameuse chaise, n'est-ce pas, percée dans le pain. Oui, cette fameuse chaise percée sur laquelle, paraît-il, au cours de la cérémonie de l'intronisation du pape, le pape était placé sur cette chaise, percée, et, mon Dieu, comment dire, d'une façon élégante, on allait s'assurer qu'il était bien un homme. Nul ne peut accéder à des dignités ecclésiastiques quelconques s'il n'est effectivement viril et en possession des attributs de la dite virilité. Ça, c'est le droit canon. En effet, c'est le droit canon. Cela dit, le Panzer cardinal n'avait pas forcément envie qu'on le tâte assis sur cette chaise, fameuse chaise. C'est ainsi, tu l'ignores, mais à l'ouverture du conclave, le 18 avril 2005, Joseph Ratzinger n'était pas très chaud pour être élu pape. Mais alors, que s'est-il passé pour que le lendemain, à 17h56, Joseph accepte finalement de devenir Benoît XVI. Eh bien, quelques guignols ont trouvé l'authentique réponse à son élection. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Bonsoir, messieurs. Bon, nous allons donc procéder à l'élection du prochain pape. Asseyez-vous. Alors, vous êtes 115 et je vous rappelle que le prochain pape est parmi vous. Première chose, pas le droit au téléphone portable ni aux calculatrices. Ça, c'est fait. Alors, vous connaissez le principe, on procède par élimination jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui devient le nouveau pape. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, alors pour commencer, on en a déjà parlé, Mamadou, tu sors. Oui, bah, le pape noir, c'est pas pour cette fois. Pas déconner, hein. Ça tenait à l'heure historique. Oui, on lui dira, mais les Africains, les Noirs, c'est non pour deux raisons. Un, vous n'êtes pas prêts, et deux, nous non plus. Et ok, apprends-le comme tu veux. Bon, plus que 114, on continue. Alors, bien évidemment, c'est pour être pape, c'est sérieux, donc pas d'homosexuel. Très bien, on y voit plus clair, vous n'êtes plus que 80. Quand je disais pas d'homosexuel, je voulais parler de sexualité au sens large, hein, donc pas de pédophile non plus. Voilà. Bon, vous n'êtes plus que 11. Alors, pas de femme non plus, hein. Oui, désolé Bernadette, mais là... Bien, les 10 derniers donc. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, pas de juifs, pas de musulmans. Cinquième tour de vote, on dépouille. Ratzinger. Testamonzi. Zidane, oui, bon, et les cardinaux français, c'est pas malin, hein. Bon, bah, vous avez gagné, vous êtes interdit de vote au prochain tour. Allez, dehors. Bon, alors... Une pizza, quatre fromages. Putain, qui c'est qui a mis ça? Merde, il y a un milliard de mecs qui attendent dehors, là. Vous avez quel âge, les mecs? Merde. Bon, bah, puisque ça te fait marrer, Joseph, c'est toi qui es pape. Ça t'apprendra à blaguer sur les pizzas. There's a place in Seoul where you've got to wear your bow tie. You can wave your diamond, but they're not gonna let you inside. Suit you wear, they ain't never gonna let you in there. Old times were good times. Old times were good times. Old times were good times. And going by that tattoo on your back, you've seen some action, haven't you? I like that dress you're wearing, in case you're caring what I'm telling you. Let's take it out on the floor. I'll spin you around some more. I like your stagger, your old fashioned, but I'm never gonna get you, am I? No. And just go walking in the moonlight. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Old times were good times. Old times were good times. Old times were good times. Old times were good times, c'est ce que professe l'homme orchestre canadien Son of Dave. L'ancien temps était un bon temps. Une maxime sans doute chère au cœur de Ben Sixteen. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Alors maintenant, après avoir découvert comment le cardinal Ratzinger est devenu pape suite à une sombre histoire de pizza 4 fromages, donc, il est temps désormais à 11h34 de te révéler les raisons secrètes du voyage apostolique qu'a effectué le Saint-Père la semaine dernière aux États-Unis d'Amérique. Avant tout, connais-tu l'Opus Dei, obscure organisation catholique fondée par un prêtre espagnol en 1928? Sa mission officielle consiste soi-disant à diffuser le message évangélique dans l'espoir que chaque individu vive selon les principes de la sainteté. Cela dit, selon certaines enquêtes, l'Opus Dei serait plutôt une société secrète, ultra-puissante et richissime, conçue dans l'optique de diriger la planète sous l'égide du Christ, en infiltrant tous les réseaux traditionnels du pouvoir. En 1982, le pape Jean-Paul II offrit à l'Opus Dei un curieux statut juridique puisqu'il en fit une prélature personnelle, autrement dit, le souverain pontife en devenait dorénavant le patron. Seulement voilà, figure-toi qu'aux États-Unis, certes, l'Opus Dei est implanté, mais selon le Vatican, son influence et ses activités ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi Benoît XVI a décidé d'aller sur place. Mais attention, il s'agissait surtout de ne pas se faire serrer par la presse. Du coup, dans l'avion, on a tenté de préparer au mieux le Saint-Père. Bien, revoyons ensemble les questions brûlantes. Pour beaucoup, l'Opus Dei est une secte pratiquant le lavage de cerveau. Pour d'autres, une société secrète chrétienne ultra-conservatrice. À l'évidence, l'incompréhension engendre la peur chez certains. Peut-être une attitude moins défensive. La presse est toujours aussi féroce avec nous. Nous refusons le catholicisme à la carte. Nous ne piquerons pas les règles de ci, de là. Nous suivons la doctrine au pied de la lettre. La doctrine requiert-elle forcément les vœux de chasteté, le paiement de la dîme et l'expiation des péchés par l'autoflagellation et le cilice? Nombre de nos adeptes sont mariés. Beaucoup ont fondé une famille. Seule une minorité choisit de mener une vie d'ascète. Oh, pourquoi certains médias parlent... Ce sera tout, Michael. Merci. Oui. À 80 balais, Benoît XVI apprécie guère la contradiction. Ce voyage aux States, c'est très important pour lui, puisqu'il doit surtout rencontrer W. Bush afin que ce dernier fasse disparaître un dossier secret qui prouve irréfutablement l'influence de l'Opus Dei au plus haut sommet de l'État américain. Cela dit, les cardinaux romains, qui sont du voyage, sont certains qu'ils vont mener à bien leur mission. Tout est parfaitement organisé, ça sent le triomphe et la conversion à tour de bras. Sauf que, très vite... Une fois sur place, visiblement, il y a un petit souci dans le programme officiel. Et vous êtes où, là? On est à Disneyland. À Disneyland? On a 5 jours de visite à boucler, faut bien faire quelque chose. Aujourd'hui, Disneyland. Demain, on va à SeaWorld voir les orques. Après-demain, à Epcot Center. Ah, mais c'était prévu, ces visites? Pas vraiment. Au départ, on devait rencontrer l'évêque de Washington, mais il est en tôle pour pédophilie. Ensuite, on devait rencontrer l'évêque de Boston, en tôle pour pédophilie, l'évêque de... Oui, d'accord. Visite des parcs d'attraction, en fait. Hein. Et vous n'avez même pas une rencontre prévue avec le président Bush? Ah, si, c'est fait. Vite, venez, il n'y a pas la queue à Space Mountain. Heureusement pour Benoît XVI, la rencontre avec W. Bush n'a pas été annulée puisque le pape veut absolument s'assurer de la destruction de ce rapport secret qui mouille l'Opus Dei. Et comme prévu, la délégation du Saint-Siège est donc reçue par le président américain, qui, lui, sachant qu'il est en fin de mandat dans quelques mois, a tenté de négocier avec Mgr Berton, le camerlingue du pape, une possible reconversion. En toute franchise, votre grâce, pour devenir évêque, j'avoue que je serais prêt à faire disparaître ma propre mère. Oui, alors là, vous allez un peu loin. Mais enfin, toutefois, je vous promets d'en parler au très Saint-Père. Cela vous suffirait-il? Comment pourrais-je jamais me libérer d'une telle dette? Mais c'est chose faite. Vous avez déjà fait disparaître le rapport, n'est-ce pas? D'aucuns me trouvent une mine de papier mâché. Ce sera ô combien vérifié lorsque j'aurai mangé page après page ce fameux rapport. Eh oui, c'est un accord diplomatique secret. En échange de la destruction de ce rapport à charge contre l'Opus Dei, W. Bush devrait donc devenir évêque dès l'année prochaine. Soulagé d'apprendre que ce rapport a été détruit, le pape décide alors d'inviter W. Bush à la nonciature apostolique de Washington afin de célébrer ensemble son anniversaire. Nous étions le 16 avril, Benoît XVI fêtait ses 81 ans. Happy birthday to you. Ah, ça, c'est une sacrée surprise. Pour moi? Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, c'est gentil, chef. Bon anniversaire, vous. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très lourd, c'est déjà pas une bombe, hein. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. Oh, une gaine. Oh, ça, c'est vraiment une bonne idée. La couleur est magnifique. Qu'est-ce qu'a choisi? Vraiment, c'est du bon cuir, en plus. Ah, vraiment, c'est... J'en avais besoin d'une, hein. J'ai jamais pensé en acheter une. Pour l'anniversaire de Benoît XVI, W. Bush avait donc choisi d'offrir une gaine au Saint-Père. Oui, bon, ça peut toujours servir. Mais ce n'est pas tout, nous sommes aux States. Et la tradition veut que l'énorme gâteau d'anniversaire contienne une surprise. C'est ainsi que W. Bush a réussi à convaincre une star du showbiz de venir chanter pour l'anniv du pape. Soudain, la pièce montée arrivée, c'est Britney Spears, dis donc, qui sort du gâteau devant Benoît XVI. Ok, mais pourquoi Britney pour ce cocktail papal? Eh bien, selon le président Bush, l'église de Scientologie, elle, utilise bien Tom Cruise comme VRP et ça cartonne. Alors, si l'Opus Dei pouvait récupérer Britney Spears comme vitrine, sans doute que son infiltration serait plus aisée sur le territoire américain. À la réflexion, Benoît XVI reconsidère cette argumentation et décide de s'entretenir seul avec la jeune chanteuse afin de faire le point avec elle sur son éventuelle foi catholique. Mais là, Britney est sceptique. Comment voulez-vous que je croie sans preuve? Il ne faut pas qu'il y ait de preuve au sens où vous l'entendez. La croyance en Dieu n'est pas une certitude cérébrale, scientifique, comme vous semblez le croire. La croyance en Dieu, c'est un accord de notre être tout entier. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez sans preuve. La foi, c'est pareil, une certitude morale. Mais d'abord, dans un tas de livres religieux, on énumère les soi-disant preuves de l'existence de Dieu. C'est mal dit. Ce sont des guides qui nous aident à parcourir un bout de chemin. Il y a toujours un précipice à franchir tout seul. S'il y avait des preuves, comme vous dites, tout le monde croirait. Plus besoin même de croire. On comprendrait. On saurait. On verrait. Ça ne serait déjà plus ici-bas, ça serait le ciel. Le pape Benoît XVI sent bien que son discours est un peu old school et que Britney Spears n'est pas du tout convaincue par son argumentation théologique. Le souverain pontife est abattu car décidément il ne comprend plus cette jeunesse mécréante. Heureusement que W. Bush, lui futur évêque donc, est là pour remonter le moral de Joseph Ratzinger le soir de son anniversaire. Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de sangloter, arrête de te répandre. Arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff. Viens. Cela dit, pour Benoît XVI, le plus important était fait, puisque le rapport secret sur la forte influence de l'Opus Dei sur l'exécutif américain était détruit. Même si le pape aurait bien aimé au final pouvoir exploiter Britney Spears comme VRP. D'ailleurs, à l'aéroport, sur le chemin du retour, à la grande surprise du camerlingue Monseigneur Berton, Benoît XVI a embarqué quelques magazines. C'est pour la fille à l'intérieur, c'est pour la fille. J'ai découpé la photo dans Vogue, le magazine. J'ai découpé la photo de mon héroïne. J'ai découpé la photo dans Vogue, le magazine. J'ai découpé la photo et je l'imagine. J'imagine, j'imagine. Toute nue, je l'imagine. J'imagine, j'imagine. Comme John, je l'imagine. De retour au Vatican, le casanier Benoît XVI a retrouvé ses appartements. Mais il a tout de même demandé à Monseigneur Berton de ne surtout pas divulguer qu'il avait affiché un poster de Britney dans sa piole. Cela dit, comme chacun sait, la plus grande noblesse du camerlingue, c'est sa sacro-sainte amnésie. Ta vraie noblesse, c'est l'amnésie. Tu oublies les noms. les aubes, j'ai les prix. Tu ne distingues pas le réduci, ta dyslexie est si sexy. Tu es voisine d'une usine, un oiseau, des corbeaux qui volent là-haut. Survole tout de tout en haut, mais ne confonds pas la maladie et la maladresse, les non-dits, les promesses. Tu confonds les expressions, comme bailler aux corneilles, non. Ce n'est pas endormir une cage à oiseaux remplie de tourterelles, insomniaques gênés par des serins et des cailles aux raisins. La voisine des oiseaux, c'est celle qu'encense Sanseverino et ses amis du sacre du tympan, parce que le pape, lui, ce n'est pas d'un sonotone pour ses tympans, mais d'une paire de lunettes pour ses sains yeux dont il a besoin au quotidien. Car Benoît XVI, sans ses verres, il n'aurait pas la joie d'apercevoir sa voisine et ses petits oiseaux. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, à 11h45 et toujours en direct du Mangin Palace, il est grand temps de retrouver le tiaré Jean-Claude et la calottée Monique qui ont découvert cette semaine à quel point leur petit village de Grosboul-les-Bains était un véritable Vatican. En effet, dimanche dernier, effrayé par l'augmentation du prix du pétrole, Jean-Claude a séché la panique pour se rendre à l'église de Grosboul afin d'allumer un cierge pour Christophe Jacquin de Margerie, le saint patron de Total Fina Elf. Mais quelle n'est pas sa surprise d'entendre l'abbé Stoff, un Alsacien, le curé de Grosboul, en chair et en os, bien sûr, faire son sermon. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. J'avais quitté cette terre et j'arrivais au paradis. Saint-Pierre, qui m'avait reconnu, me demanda... Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici ? Non, grand Saint-Pierre. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Ah, mais c'est fini, je reviendrai plus. Jean-Claude est tout de suite très intrigué par cet étrange abbé Stoff, le curé de Grosboul. Dans l'église, il n'y a personne et le prêtre s'approche calmement du Jean-Claude. L'abbé gaiement lui demande s'il est croyant. Jean-Claude se lance alors dans un débat théologique. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Le curé de Grosboul réfute avec virulence cette affirmation. Mais bon, il n'est pas question que l'abbé gueule. Non, ce que le curé tente d'expliquer à Jean-Claude, c'est la réalité des relations épiscopales entre la paroisse de Grosboul et le Saint-Siège. En effet, l'abbé Stoff, il y a quelques années de cela, a provoqué un schisme dans l'Église après une lettre envoyée au pape de l'époque. Lettre ouverte à sa sainteté Jean-Paul II, pape, Vatican, Rome. Mon gros pigeon d'argile. Pardonne-moi tout d'abord cette apostrophe un peu familière, mais taquin comme je suis... Je n'ai pu résister à la tentation d'évoquer ce malhabile tireur d'extraction orientale qui t'avait jadis pris pour cible, te confondant sans doute avec une assiette de baltrape. À quelles extrémités cela te mène-t-il, vieille allumée de la tiare, cette sénile obsession du dessous de la ceinture qui va jusqu'à te faire interdire l'interruption volontaire de grossesse aux femmes violées de Sarajevo, jusqu'à sévèrement proscrire la capote anglaise dans les contrées africaines les plus mortellement interpellées par le virus HIV, plus connu sous la terrorisante appellation de SIDA. Honte à toi, mauvais berger. Jean-Claude est complètement sous le charme du discours de cet ecclésiastique rebelle. Il propose alors au curé de Grosboul d'aller encore plus loin dans la rupture. L'abbé doit se proclamer pape. Le curé est surpris, mais très intéressé par la proposition du Jean-Claude, surtout qu'il a conservé de sa prime jeunesse le plaisir indicible de faire des bulles de savon. Et puis, le curé de Grosboule, en plus d'avoir l'abbé attitude, il a la rock attitude, et il veut transformer en profondeur le culte marial. D'après lui, il faut cesser ces cérémonies hiératiques, car il le sait bien, lui, qu'en réalité... Elle danse, Marie, elle danse. Jean-Claude est complètement envoûté par le charisme de ce religieux qu'il voit comme le nouveau pape. Alors à peine est-il rentré chez lui que Jean-Claude cherche à tout prix à faire comprendre à Monique à quel point l'abbé Stoff, le meilleur de l'église, possède toutes les qualités pour devenir le prochain pape. Et la vie qu'il annonce aux peuples à genoux, c'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il poursuit son voyage infatigablement. Dieu que le ciel est bleu quand on le voit si blanc. Comme une voile qui bouge sur la marée des gens. Monique a un peu de mal à partager l'admiration du Jean-Claude pour ce curé-là. Eh oui, Monique, elle a un peu l'esprit anticlérical, ce qui énerve au possible Jean-Claude, qui repart fissa organiser une immense procession pour son futur pape. Elsa, la fille de Monique et Jean-Claude, demande alors à sa mère pourquoi elle est si peu respectueuse de l'autorité papale. Monique lui explique alors que... Moi, ça me tracassait cette histoire de résurrection. Chaque fois qu'on devait dire « je crois à la résurrection de la chair », je me disais « j'y crois pas, j'y crois pas ». Un jour, j'ai demandé au curé « monsieur le curé ». Ma grand-mère, quand elle est morte, elle avait 70 ans. Et quand elle était jeune, elle a perdu un enfant qui avait un an. Si jamais ma mère meurt jeune, à 35 ans par exemple, et que moi je meurs vieille, à 90 ans, alors à quel âge on va se retrouver au paradis? Parce que le bébé, quand il est mort, sa mère était jeune, mais ma mère, elle, elle aura connu sa mère vieille, et moi, quand j'arriverai au paradis, je serai plus vieille que ma grand-mère et plus vieille que ma mère. Il m'a regardée comme si j'étais folle. Mais plus tard, j'ai posé la question à quelqu'un d'autre et j'ai eu la réponse. Alors? La réponse, c'est que là-haut, on aura un corps glorieux. Mais bon, Monique, au corps glorieux, un peu curieuse tout de même, de la nouvelle lubie de son compagnon, décide de rejoindre Jean-Claude et l'abbé Stoff pour cette procession où le curé de Grosboule va se proclamer pape à la place de Benoît XVI. Monique est très étonnée de constater que l'abbé Stoff a déjà un je ne sais quoi de papal. Chers enfants, vous avez su apporter votre part active, non plus recevoir seulement, mais donner de vous-même. Sans le savoir, peut-être, vous avez correspondu en partie à l'appel de Jésus. Lui, il a montré une prédilection pour les enfants. La petite Elsa est toute ravie d'être face à un pape, et même si ce n'est qu'un anti-pape, elle est un peu émue. Surtout que l'abbé Stoff semble vraiment un homme cool. Même le pape, mais c'est basket. Péché mortel, quelle importance, il a des ailes. Jean-Claude, lui aussi, a des ailes puisqu'il se voit déjà cardinal de Grosboule. Sauf que voilà, ce que chacun craignait secrètement arrive soudainement. Benoît XVI, le vrai pape, envoie l'armée vaticane sur Grosboule afin de renverser son rival. La guerre risque d'être violente entre les Grosboulais et les gardes suisses. L'abbé Stoff est très inquiet, il se voit déjà subir les pires tortures de l'Inquisition. Mais Jean-Claude le rassure. Jésus sera là pour toi, Hosanna, et il guidera tes pas, Hosanna. Rendons gloire, Alléluia, Alléluia, Alléluia, et pitié de nous, pécheurs. Et pitié de nous, pécheurs, c'est le cri du schismatique Jean-Claude et de son pape d'occasion, face à l'arrivée des gardes suisses sur Grosboule. Et c'est Elsa qui, la première, ose affronter ces terribles soldats papaux. De quand date votre garde pour le pape ? De février 1506. Votre uniforme, c'est vous qui l'avez composé ou qui ? Pareil que Michel-Ange s'est occupé un petit peu. Est-ce que vous avez le droit de vous marier ? C'est-à-dire que les caporaux ont le droit de se marier. Le simple garde, non. Alors, si je voudrais devenir garde suisse, qu'est-ce que je devrais faire ? Il faudrait d'abord allonger un petit peu. Et puis par la suite, faire le militaire. Et puis, après le militaire, on peut venir garde suisse. Ok. Jean-Claude comprend tout de suite que le garde suisse envoyé par le pape, c'est un vrai cave du Vatican. Le garde suisse, dans son joli costume, brandit sa hallebarde. Il s'approche avec rage de l'abbé Stoff, mais soudain, l'improbable se produit. Les deux hommes se regardent, l'abbé rit et le garde-boue. L'émotion est palpable et papale. Fin de l'histoire, Jean-Claude, Monique et Elsa se retirent sur la pointe des pieds, laissant l'ecclésiastique et le soldat du pape à leur retrouvaille. T'avais les cheveux longs et JMJ sur ton blouson. On s'est connus comme ça en Italie il y a deux mois. T'as pris, c'était émouvant, plusieurs photos du Vatican. Comme on était chrétiens, justement, ça tombait bien. Jésus viendra pour les vacances, moi je ne veux pas rater la messe. On sera, je pense, un peu en avance au JMJ de la jeunesse. Jésus viendra pour les vacances. Jésus viendra pour les vacances, revisité par la chanson plus bifluoré, reprise non orthodoxe et pas très catholique d'un tube de David et Jonathan, les deux papes de l'amour estival. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de la papauté, de l'infaillibilité pontificale à l'élection du Panzer Cardinal, de la chapelle Sixtine à la Papa Mobile et de l'abbé Stoff à la Britney. Nous t'avons offert ce matin un panorama totalement incomplet et surtout complètement subjectif de ce que peut être la vie de souverain pontife. Pour finir, cette semaine, nous risquons de recevoir un courriel de l'Élysée nous reprochant de ne pas avoir assez parlé de notre président de la République et pourtant, c'était tentant. Cela dit, on devrait tout de même recevoir quelques mails, je pense, comme à chaque fois que certains sujets sont abordés. Mais afin de réconcilier tout le monde, on te laisse découvrir les conseils que t'offrira la prochaine encyclique papale. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. Nous l'affirmons sans complexe. Nous sommes adeptes du latex. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc super doux. C'est une question de réflexe. Nous sommes adeptes du latex. Le plastique, c'est fantastique. C'était Elmer Footbeat qui te propose le plaisir sans risque, mais qui, lui, risque l'excommunication. Voilà, fin du 118e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était « C'est quoi être souverain pontife ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode archi loufoque et total foutraque bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait ce matin Bertrand Chaumeton. Bravo et merci à lui. Clin d'œil spécial à Marco Mutel. Salut vieille canaille. Reviens-nous vite. Bertrand était assisté aujourd'hui à la technique d'Anne-Laure Cochet et de Yann Bouillot. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Collet, nos deux stagiaires. Pour les Scuds et toutes ces merveilles et ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot de l'INA.